voudrais te dire des tas de choses. Que c'est trop bête de se quitter comme ça. Et te rappeler toutes nos joies. Mais du bout des doigts, je dessine des marguerites sur une nappe de papier. J'en fais des grandes et des petites et des à moitié effeuillées. Je dessine des marguerites sur la nappe du restaurant. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnée. On parle, on dit n'importe quoi. Nous sommes devenus deux étrangers. Nous n'échangeons que des banalités. Au milieu des gens, de la fumée, sans te regarder. Je dessine des marguerites sur une nappe de papier. J'en fais des grandes et des petites et des à moitié effeuillées. Je dessine des marguerites sur la nappe du restaurant. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément. Dans un instant, je sais, tu partiras. Il n'y a rien à dire et rien à faire. Je suis encore bien plus seule qu'avant toi. Tu viens de boire ton café froid. Moi, du bout des doigts, je dessine des marguerites sur une nappe de. J'en fais des grandes et des petites et des à moitié effeuillées. Je dessine des marguerites sur la nappe du restaurant. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie.